Elle me love. Elle est folle, je fais genre, je l'ignore. Elle s'inquiète, je rentre tard, des choses à faire, elle pète un câble. Elle me prend la tête, elle me lâche pas, qu'est-ce que je fais? Elle veut savoir, c'est normal, c'est ma wife. Mais des fois, elle en fait trop, je lui fais du mal, je suis maladroit. Au fond je m'en veux, j'avoue c'est chaud. Quoi que je fasse, elle reste là, elle m'épaule, elle fait tout pour moi. Faut que je me reprenne, que je fasse le taf. Et des fois je me demande pourquoi je n'arrive pas à m'ouvrir. Pourtant j'ai des choses à dire, je ferai tout pour son sourire. Et comme un con je la fais souffrir. Ça me rend malade, un jour je ferai plus le malin. Elle veut sa propre famille et elle me parle de gamin. Je dois faire les choses bien, je pense pas trouver mieux qu'elle. J'ai beau faire le mec, en vrai je suis fou d'elle. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle est folle, je fais genre, je l'ignore. Mais je suis in love, way in love, way in love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle est folle, je fais genre, je l'ignore. Mais je suis in love, way in love, way in love. On s'engueule, on se prend la tête. Parfois on se quitte, puis on se rappelle. On s'en veut, mais on se veut. Ouais, on s'en fout. Au fond on sait, on déconne, elle fait la folle. On se dévoile et on s'étonne. On est fort, fait des efforts. On se regarde et on se donne. On a beau faire ce qu'on veut, nous au final c'est la même. Quand on se retrouve tous les deux autour de nous, tout disparaît. Et une petite pensée à ceux qu'on tout fait pour nous séparer. Y'a qu'à regarder ses yeux et ceux de leur meuf pour comparer. Des fois je la vois marronner car ma fierté veut pas se parer. Je fais le gamin, je le ris au nez. Mais je sais comment la calmer, non ma fierté veut pas se parer. J'avoue faut que j'arrête. J'ai beau faire le mec, mais en vrai moi je suis fou d'elle. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle est folle, je fais genre, je l'ignore. Mais je suis in love, way in love, way in love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle est folle, je fais genre, je l'ignore. Mais je suis in love, way in love, way in love. Elle m'apaise quand je doute, on est sûr, faut qu'on roule. Je me suis calmé, j'avoue, c'est vrai. J'en suis devenu fou, autour d'elle le monde tourne. Je me suis calmé, j'avoue, je suis prêt. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau faire ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut. Elle me love, je suis in love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle est folle, je fais genre, je l'ignore. Mais je suis in love, way in love, way in love. Elle me love, elle me love, elle me love. Elle me love, elle me love, elle me love.